Chapitre 18. Où Joson Menous se fâche. Quand l'office prit fin, ma jolie vicomtesse me poussa le coude. Pendant que je lui rendais son livre d'heures, elle put me glisser ces mots. « Il va vous parler, tenez-vous bien, acceptez tout ce qu'il vous proposera et donnez un écu à la petite Métaux quand vous rentrerez à l'auberge. » J'entendis très bien, mais elle passait devant moi l'autre, ma vision, ma fortune. Elle avait rabattu son voile. La pure beauté de ses traits m'apparaissait comme au travers d'un nuage féerique. Elle était grande, sa taille, un peu frêle, avait des flexibilités enchantées. J'espère pour vous que vous ne regardez pas de trop haut les enfantillages du cœur, dont l'ensemble est tout simplement la jeunesse, le charme de vivre et la poésie. Il m'eût blessé de la savoir fille de ce cachalot, pompeusement habillée de drap de soie olive, glacée de marron, Monsieur Hédou de Pelhédou, mais je l'admettais comme oncle, et les doux soins qu'elle prenait de lui me plaisaient. Aimer une demoiselle Hédou n'est pas chose impossible, même quand ce nom s'aggrave par celui de Pelhédou. Seulement, de toute nécessité, 2 heures après sa naissance, une pareille demoiselle doit avoir été baptisée Goton ou Scolastique. Et tenez, mon bijou de vicomtesse, le genre d'amour qu'elle devait inspirer était réglé d'avance par la familiarité imprévue de ce nom, Catiche. Soyez béni ou bénie, si vous comprenez. Dans le cas contraire, je n'y puis rien. Les noms expriment beaucoup et peuvent davantage. Je n'irai pas jusqu'à Pétronille d'un côté, jusqu'à Zénaïde de l'autre, mais convenez que tous ces beaux noms grecs suent le froid. Euphémie est précieuse, Aspasie malséante, Zoé prude, Sidonie ridicule, Uranie grotesque. C'est la bourgeoisie des noms. Marie, glorieuse et gracieuse, cantique en 2 syllabes adorées. Françoise, reine ou blanchisseuse. Jeanne, diadème de duchesse et bavolet de rosière. Thérèse, flamme des cœurs. Charlotte, brave sourire. Madeleine, ô pauvre belle. Suzanne, Louise, Aline, Victoire, Aimée, nom du peuple et de la noblesse, n'existez-vous pas en assez grand nombre pour épargner aux familles cette extrémité d'appeler une enfant Polydora ou Zédélie? Hélas, que j'en ai rencontré de ravissantes pourtant de ces Léocadies et de ces Ulémas. Peut-être que j'ai tort, c'est plutôt la femme qui fait son nom. Peut-être que le nom d'Hermine de Bois-le-Roi vous paraîtra prétentieux et gothique. Moi, je l'écoutais dans l'air comme une harmonie et je l'y respirais comme un parfum. Il me semblait que ce nom faisait partie de sa parure et embellissait sa beauté. Je la suivis jusqu'à la porte de l'église où 2 grands paysans prirent son hippopotame d'oncle chacun sous une aisselle. Il était temps. Le malheureux homme s'extravasait en torrent de sueur. On le hissa sur une charrette traînée par 2 beaux bœufs, et ma fortune, légère comme une sylphide, monta sur un joli cheval d'Espagne que tenait en bride un vieil écuyer de la plus respectable tournure qui était comme elle en grand deuil. J'allais continuer ma route, suivant la charrette au bout du monde s'il l'eût fallu, lorsqu'une terrible bagarre éclata sur la place de l'église. Les gars de Vitré s'étaient avisés de tâter Joson Menous, qui n'avait pas son bâton de cormier. Joson avait écouté d'abord avec patience et les mains dans ses poches, les gorges chaudes qu'on se permettait au sujet des 12 éternuements. Mais il était de pain d'or, où tous les nez pompent la moutarde, et, quelqu'un s'étant avisé de railler ses bottes, il mit tout uniment le sommet de son crâne dans la poitrine de ce quelqu'un-là, qui renversa 3 hommes et 4 femmes en s'en allant tomber à 10 pas de Joson. Joson dit « C'est pour de rire, je n'ai point essayé de lui faire du mal, mais si un autre en souhaite, je vas le démolir d'atout. » Les gars Vitrias hésitaient, mais les femmes se pressaient autour du malheureux vaincu qui se relevait tout sanglant, et 20 voix glapissantes crièrent « Faut pas mentir, c'est un méchant coup, Le coquin vient de la Basse-Bretagne et il a des bottes. Hardi, les gars, vous n'êtes pas des hommes, donc. Il est tout seul et vous êtes 50 de votre bord. Hardi, hardi, là, il a des bottes. » Les gars eurent honte et revinrent. Joson baissa la tête deux fois. Deux poitrines craquèrent et deux paquets de chair tombèrent sur le pavé. Ce fut à ce moment que le tumulte m'arracha à ma contemplation. Comme je quittais des yeux la caravane Hédou de Pélédou, je vis mon Joson entouré d'un large cercle. Il avait profité du répit que lui procuraient ses deux derniers coups de tête pour s'asseoir commodément par terre et ôter ses bottes. Il en prit une par la tige et la brandit en se relevant. À cause de son poids et surtout à cause du monumental éperon qui sortait du talon, cela faisait une arme vraiment redoutable. Mais les gars de Vitré s'armaient aussi. Les femmes avaient couru chercher des bâtons et jusqu'à des roches. Il était grand temps d'intervenir. Je m'élançais. Un autre cependant m'avait prévenu. Quand j'arrivais au centre du cercle, je vis, à mon très vif étonnement, l'apôtre Saint-Pierre, qui était déjà debout et l'épée à la main, entre Joson et les Vitrias. Mon Joson le regardait de travers et grommelait entre ses dents. « De quoi vient-il se mêler, celui-là ?»« Mes amis, » dit Monsieur de Saint-Pierre à la foule, qui ne semblait pas admettre volontiers son intervention, « je suis comme vous, un enfant du pays. Feu, mon respectable père était bourgeois de Vitré. Vous me connaissez bien, n'est-ce pas ?» Il s'exprimait avec aisance, en homme qui a l'habitude de la parole. La foule lui répondit, « Assez qu'on vous connaît. Vous êtes une gens de Paris à présent. Nous n'aimons point ça. Rangez-vous. Et pourquoi que vous défendez le bas breton ? Rangez-vous, rangez-vous. » Les femmes ajoutèrent, « Si vous ne vous rangez point, on va vous arrocher, le bel homme. » Arrocher est le mot Vitrias pour lapider. Je ne sais pas ce qui fut advenu de cette nouvelle querelle, si deux gardes de ville n'eussent fait leur apparition juste à cet instant. Ils arrivèrent cas un cas, boitant tous les deux, l'un de la jambe gauche, l'autre de la jambe droite. Et Monsieur de Saint-Pierre ayant fait le geste de mettre la main à la poche, ils jugèrent immédiatement à l'unanimité que la foule avait tort. La foule protesta par de tels cris que je tremblais pour l'autorité. Peut-être que si mon oncle le Billon avait été là pour profiter habilement de cette émotion populaire, il aurait trouvé l'opportunité de se faire proclamer roi de Vitré à la barbe de l'armée française. Il n'y avait plus sur la place que l'émeute et les représentants du pouvoir. Déjà depuis du temps, mademoiselle de Bois-le-Roi était partie, suivant l'équipage de son gros-oncle. La vicomtesse s'était retirée. L'armée française faisait bonne contenance malgré ses infirmités. L'invalide de la jambe droite, regardant la cohue d'un air fier, tira de sa poche une chinchoire de corne, dite aussi pétunière, et versa poliment une prise de tabac sur la main de son collègue, l'invalide de la jambe gauche. Puis, profitant du silence que cet acte de sang-froid avait provoqué, celui qui boitait à bâbord ou à tribord, ma mémoire n'est pas précise sur ce point, appela d'un ton goguenard. « Maître Robillet !» D'où sortait Maître Robillet ? Question ardue ! Descendait-il du ciel ? Jaillissait-il des profondeurs de la terre ? À l'appel de son nom, chacun put le voir apparaître entre les deux estropiés. C'est un petit homme très sale et de bonne humeur qui boitait des deux jambes. À son aspect, la foule ondula comme une mer agitée. Les clopés, qui avaient déjà parlé, lui mit une prise de tabac sur le dos de la main et dit « Prenez les noms, monsieur Robillet !» Tous les visages blêmirent et s'allongèrent. Un murmure épouvanté s'éleva, dans lequel on distinguait ces sages paroles que Vitrias et Vitrias passent leur vie à se répéter les uns aux autres sans jamais obéir à la recommandation qu'elles contiennent. Faut pas mentir. Maître Robillet se gratta en riant la tête à travers son bonnet de laine noire. Avec un peu de peine, il parvint à mettre un genou en terre, après quoi il tira de ses poches une écritoire, une plume et une feuille de papier jaunâtre. Cela fait, il posa sur son nez une paire de lunettes en fer. Quand il eut terminé ses apprêts, la place était vide. Vitré s'était dispersé comme une volée de canards. Il ne restait ni un homme ni une femme. Joson Menou lui-même avait décampé avec ses bottes. Monsieur de Saint-Pierre partagea une pièce de 15 sous entre l'armée française et Monsieur Robillet. Ses fonctionnaires, qui n'avaient que 2 jambes à eux trois, se dirigèrent aussitôt vers un cabaret pour célébrer sa munificence. Ils allaient avoir un fameux dimanche. Cette chère marquise de Sévigné, dont j'ai déjà parlé avec éloge, dit qu'à Vitré, un sou se coupe en 16. Elle vivait pourtant des sous de Vitré. Car cela est ainsi. Paris pompe le cuivre de ses pauvres pays et en fait de l'or. Nul ne saurait dire à quelle somme d'obscure misère correspond l'éclat d'une richesse. L'apôtre Saint-Pierre me fit l'honneur de passer son bras sous le mien. Je ne saurais dire en vérité pourquoi ce galant homme me déplaisait énergiquement des pieds à la tête. Nous eûmes ensemble l'entretien suivant, où je fis de mon mieux pour obéir aux instructions de la vicomtesse. Si Hermine était ma fortune, cette charmante Catiche était bien un peu mon savoir-faire. Et Vivette, dans tout cela, qu'était-elle? Est-ce donc vrai que les absents ont toujours tort? Pour le moment présent, hélas, oui, c'est trop vrai. Mais le souvenir est à eux, et aussi parfois l'avenir. Mon cher chevalier, me dit l'apôtre avec une familiarité protectrice qui ne lui allait pas trop mal, vous avez là pour valet un solide gaillard. Je répondis, oui, monsieur le vicomte, très solide. Il reprit, dès le premier coup d'œil, je me suis senti attiré vers vous, chevalier. Vicomte, je vous rends grâce. Madame la vicomtesse partage ce sentiment. J'en suis heureux et flatté. Savez-vous une chose? Pas encore, monsieur le vicomte. Il eut un léger froncement de sourcils qui se termina par un sourire et poursuivit. Vous vous êtes si merveilleusement tiré de presse là-bas, à la fosse aux loups, que l'idée m'est venue de vous proposer une association. Qu'en dites-vous ?